La clairaudience. La clairaudience est une forme de perception extrasensorielle qui permet à une personne de recevoir des informations ou des messages sous forme de sons, de voix ou de musique sans utiliser les sens physiques ordinaires. Ceux qui possèdent cette capacité sont appelés clairaudients. La clairaudience peut se manifester de différentes manières. Certains clairaudients entendent des voix ou des sons dans leur esprit, tandis que d'autres les entendent comme s'ils provenaient de l'extérieur de leur corps. Les messages reçus peuvent être des conseils, des avertissements ou des informations sur des événements passés, présents ou futurs. Il existe plusieurs théories sur la façon dont la clairaudience fonctionne. Certaines personnes croient que les clairaudients reçoivent des messages de guides spirituels, d'anges ou d'êtres décédés. D'autres pensent que la clairaudience est liée à la capacité de capter des vibrations énergétiques ou des fréquences qui échappent à la perception normale. Pour développer la clairaudience, il est important de pratiquer la méditation et de se concentrer sur l'écoute intérieure. Voici quelques conseils pour améliorer cette capacité. Méditer régulièrement. La méditation aide à calmer l'esprit et à développer la concentration, ce qui est essentiel pour percevoir les messages clairaudients. Pratiquez l'écoute attentive. Concentrez-vous sur les sons qui vous entourent et essayez de les percevoir avec une attention accrue. Cela peut vous aider à développer votre sensibilité aux sons subtils. Tenez un journal. Notez les expériences clairaudientes que vous rencontrez, ainsi que les messages que vous recevez. Cela peut vous aider à reconnaître les modèles et à mieux comprendre les informations que vous recevez. Faites confiance à votre intuition. La clairaudience est étroitement liée à l'intuition. Apprenez à faire confiance à vos instincts et à suivre les conseils que vous recevez. Soyez patient. Le développement de la clairaudience peut prendre du temps et de la pratique. Ne vous découragez pas si vous ne percevez pas immédiatement des messages clairs. La clairaudience est un don mystérieux qui peut offrir des conseils et des informations précieuses. En développant cette capacité, vous pourrez peut-être accéder à des connaissances cachées et à des conseils spirituels pour vous aider dans votre vie quotidienne. Page 37, nous allons voir un exemple de méditation pour développer votre clairaudience. Page 37.